Bien-aimé, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous rendons grâce au Dieu très haut pour les signes privilèges qu'il nous donne d'être ici réunis en vue de le louer. Notre Dieu est digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Le fait qu'il nous ait permis de nous réveiller ce matin sains et saufs témoigne de son amour infini et de sa fidélité envers nous. Avant de passer à la prédication de la parole, je dirais, permettez-moi d'adresser à chacun de vous mes voeux les plus sincères pour l'année 2026. Amen. Je vous souhaite une année de paix, une année affermie, la réussite dans vos entreprises et l'accomplissement de tout ce qui contribuera à votre bonheur selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, il y a réunion de prière à l'église le mardi 13 janvier 2026. Amen. Bon, je crois que c'est la seule annonce que nous avons là. D'accord? Et j'annonce, après le culte, ne partez pas, on va avoir un service spécial de prière et avec de l'huile pour le début de l'année. Et puis la famille, on va aussi prier pour la famille Côté. Parce que papa Côté nous a quittés, on va prier pour la maman Micheline et ses enfants. Amen, oui, donc il y avait une nouvelle annonce, merci. Donc, nous saisissons cette bonne occasion qui nous est offerte pour présenter nos sympathies à la famille éplorée par le deuil. Que le Seigneur leur accorde sa grâce. Ce n'est pas du tout facile quand quelqu'un qui nous est cher est parti pour l'éternité. Ça entraîne la tristesse. Amen. Donc, c'est bien la raison pour laquelle nous devons prier et bien aimer pour cette famille. La Bible nous exhorte de pleurer avec ceux qui pleurent et aussi de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Donc, notre sujet aujourd'hui, un sujet très simple, c'est « Laissez-vous guidé par Dieu. » Amen. Et notre texte est tiré du livre de Josué, chapitre 3, versets 1 à 6. Amen. Je demande à notre bien-aimé frère de projeter le passage pour que tout le monde puisse lire ensemble avec nous. Amen. Josué chapitre 3, versets 1 à 6. Ok, nous lisons. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Soulignez ce verset-là, la partie B de ce verset de plusieurs traits, s'il vous plaît. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre édification commune. Amen. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Et comme souvent, une nouvelle année s'ouvre devant nous comme une page blanche. Chacun espère qu'elle sera meilleure que la précédente. Chacun formule des vœux, des attentes, des rêves et parfois même des craintes. Mais la vérité, c'est que nous ne savons pas ce que cette année apportera. Nous ne voyons pas l'avenir. Nous ne maîtrisons pas les imprévus. Nous ne pouvons pas prédire les défis, ni les opportunités, ni les combats, parce que nous ne sommes pas omniscients. Il n'y a que Dieu qui soit omniscient. Dieu non seulement est omniscient, il est omnipotent, il est et omniprésent, ce sont ses attributs. Quand on parle d'attributs, c'est-à-dire les qualités par lesquelles il se distingue de ses créatures. Donc il n'y a que Dieu qui soit omniscient. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons besoin d'un guide. Pas n'importe quel guide. Un guide parfait, un guide fiable, un guide omniscient. Un guide qui connaît chaque détour de notre route. Nous avons besoin de Dieu pour nous guider, bien-aimés. Parce que c'est 2026, mais nous ne savons pas ce que cette année va apporter. Donc c'est bien la raison pour laquelle que nous avons besoin d'un guide, et je dirais un guide infaillible. Je vous recommande Dieu comme votre guide. De la même manière qu'un explorateur ne s'aventure jamais dans une zone inconnue sans guide professionnel. Nous aussi, face à l'année nouvelle, avons besoin du Dieu Tout-Puissant pour marcher devant nous. Et c'est exactement le message que nous trouvons dans Josué chapitre 3. Le peuple d'Israël est sur le point de traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Bien aimé, le moment est critique. Le défi est immense. Et Dieu leur donne des instructions très précises. Ce texte nous montre comment Dieu nous conduit et comment nous devons marcher pour vivre ces projets en 2026. Donc quand Dieu marche devant nous, nous ne pouvons pas nous perdre. Amen. Donc notre méditation aujourd'hui a trois grands points. Le premier point, c'est suivre la direction de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le chemin. Et deuxième grand point, respecter la distance. C'est-à-dire de laisser Dieu être Dieu. Et troisième et dernier grand point, se sanctifier, c'est-à-dire se préparer pour voir Dieu agir. Maintenant, on part avec notre premier point, c'est suivre la direction de Dieu. D'après Josué 3, verset, Josué chapitre 3, verset 3 et 4, la Bible dit, vous vous mettrez en marche après elle, c'est-à-dire après l'arche. Amen. Car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Amen. L'année 2026 est un chemin inconnu. Amen. C'est un chemin inconnu. Donc le texte dit que lorsque le peuple verrait l'arche portée par les sacrificateurs, il devrait se mettre en marche après elle. Soulignez ça. Après elle. Pas au côté, à côté d'elle. Pas devant elle, mais bien derrière elle. Josué chapitre 3, verset 1 à 6. Donc, mes frères et sœurs, l'arche représentait la présence de Dieu. Elle était le symbole de sa direction, de sa volonté et de sa sainteté. Et Dieu dit au peuple, ne bougez pas avant moi. Ça, c'est important. Ne partez pas devant moi. Mais quand vous verrez l'arche avancer, suivez-la. Amen. Donc ce principe, bien-aimé, est fondamental pour cette nouvelle année. Beaucoup de nos échecs, beaucoup de nos peurs, beaucoup de nos regrets viennent du fait que nous partons sans Dieu ou même avant Dieu. Donc si vous voulez remporter la palme, vous voulez remporter la victoire, donc il est de toute importance que vous marchiez derrière Dieu et non devant lui. Amen. Donc le verset dit, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin, comme je viens de dire, l'année 2026 est inconnue, nous est inconnue. Amen. Autrement dit, vous ne connaissez pas l'avenir. Vous n'avez jamais vécu cette année. Vous ne savez pas ce qui vient. à moins que vous soyez omniscient. Et comme je viens de dire, il n'y a que Dieu qui soit omniscient. Vous ne savez pas ce qui vient, mais Dieu, lui, il sait. Amen. Amen. Dieu sait. Bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Mais il nous demande de suivre. Amen. Il nous demande de suivre. C'est tout ce que nous devrions faire. Donc c'est facile, hein? C'est facile. C'est facile. Seulement, il nous demande de suivre. Quand vous utilisez un GPS, vous ne discutez pas avec lui, hein? Vous ne discutez pas avec lui à chaque tournant. Vous le suivez parce que vous savez qu'il connaît le chemin. N'est-ce pas vrai? Il connaît les routes. Il connaît les détours. Les dangers, les bouchons. Il les connaît tous. Donc Dieu est un GPS parfait. Amen. Ce qui revient à dire, il va nous conduire sûrement. Quand le Seigneur dit tourne ici, même si cela n'a pas de sens, bien-aimé, obéis. C'est tout ce que vous devriez faire pour être vainqueur cette année. Amen. Amen. Amen. Obéis. Le Seigneur voit ce que tu ne vois pas. Donc, bien-aimé, en début d'année, Dieu ne nous promet pas un chemin facile, mais un chemin sûr si nous marchons derrière lui. Amen. Ne cherchons pas à devancer Dieu ni à décider seul. Ça ne va pas militer en votre faveur. Attenons son mouvement, suivons sa présence, faisons-lui confiance. Là où Dieu conduit, il précède, il protège et il accomplit sa volonté. Alors, bien-aimés, cette année, faisons un choix clair. Laissez Dieu passer devant et marcher fidèlement après lui. C'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, et notre deuxième grande division, notre second point, si vous voulez, c'est respecter la distance avec Dieu. D'après Josué 3, verset 4, il y aura entre vous et l'arche une distance environ 2000 coudées. Amen. Dans le texte, Dieu demande qu'il y ait une certaine distance entre les gens et l'arche. Pourquoi? Pas parce que Dieu voulait être loin, non. Mais parce qu'il voulait leur apprendre le respect, la révérence, la dépendance. Pour nous, aujourd'hui, cette distance signifie une chose essentielle. Ne pas courir devant Dieu. Trop souvent, nous voulons précipiter les choses. Nous avons toujours un cas qui ne peut pas souffrir délai. Parfois, nous voulons forcer Dieu à agir selon notre calendrier. Ça devrait se faire à une date bien déterminée. Si vous allez agir de la sorte, ça ne va pas militer en votre faveur. Parce que Dieu, lui, il est Dieu. Et parfois, il agit d'une manière, c'est parce qu'il voit les dangers. Amen. Nous prions chaque jour. Nous disons à Dieu chaque jour que ta volonté soit faite. Et quand il est temps pour lui d'exécuter sa volonté, c'est toujours un problème pour nous. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Donc, il ne faut pas dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Il ne faut pas lui imposer nos solutions, nos plans, nos méthodes. Mais mes amis, Dieu est Dieu. Et nous ne pouvons pas jouer à sa place. Quand vous ne vous portez pas bien, vous allez chez le médecin. Vous expliquez vos symptômes et tout cela. Et le médecin agit, n'est-ce pas vrai? Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Donc, vous n'allez pas dire au médecin, bon, j'ai ce problème-là et je vous demande de me prescrire tel ou tel médicament. C'est pas ainsi, n'est-ce pas vrai? Tout ce que vous faites, vous décrivez vos symptômes. D'accord? Mais c'est le médecin qui prescrit. De la même manière, quand nous expliquons à Dieu comment résoudre nos problèmes, nous prenons sa place. Dieu dit, laisse-moi marcher devant toi, ne me précède pas. C'est ce que Dieu dit et c'est ce qu'il veut faire. Et si nous laissons le soin à Dieu d'agir en notre faveur, bien-aimés, nous allons être vainqueurs. Donc, respecter la distance avec Dieu, ce n'est pas s'éloigner de lui. C'est reconnaître qui il est et qui nous sommes. C'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout décider, mais de lui faire confiance pleinement. Quand Dieu marche devant nous, notre place est derrière et non en avant. Dans l'humilité, bien-aimés, nous devons marcher dans l'obéissance et la dépendance. Amen. Alors, laissons Dieu être Dieu et nous, ses enfants, qui le suivent avec respect. Maintenant, il est temps pour nous d'entamer notre dernière et grande division, c'est se sanctifier pour voir Dieu agir. Toujours dans le livre de Josué, chapitre 3, maintenant verset 5. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Bien aimé, c'est un passage extraordinaire. Amen. Sanctifiez-vous car demain. À noter qu'à chaque jour, il y a toujours un demain. N'est-ce pas vrai? Il y a un demain. Aujourd'hui, c'est 4. Il y a un demain, c'est 5. Et quand on est au, et nous sommes au 5, il y aura un autre demain. Donc, ce qui revient à dire que la sanctification, c'est quelque chose de perpétuel. Parce qu'à chaque jour qu'on se lève, on attend un demain. N'est-ce pas vrai? On attend un demain. Dieu dit, prépare ton cœur aujourd'hui et moi je ferai des miracles demain. La sanctification n'est pas seulement éviter le péché, même si cela en fait partie. Mais se sanctifier, c'est aussi se séparer pour Dieu. Nous devons être des mis à part pour Dieu. Amen. Nous devons mettre Dieu en premier. En premier. Donc, Dieu doit avoir la prééminence dans notre vie. Amen. C'est aussi purifier nos motivations. C'est rejeter ce qui pollue le cœur. C'est se débarrasser de tout ce qui serait de nature à entraver notre course avec Dieu. Amen. Pourquoi la sanctification? Parce que Dieu agit dans des cœurs préparés. Amen. Dans des cœurs préparés. C'est comme une prise électrique. Disons par exemple que vous achetez un appareil très puissant, un appareil dernier modèle, vous achetez l'appareil le plus cher. Amen. Mais s'il n'est pas branché, il ne va pas fonctionner. Amen. La puissance est là, mais la connexion manque. Amen. Donc, la sanctification, bien-aimé, est cette connexion. Quand tu te sanctifies, la puissance de Dieu peut circuler dans ta vie. Amen. Dieu est prêt à agir. Hein? Il est prêt à frayer de grands chemins pour nous. Il est prêt à nous mettre au large. Mais il cherche des cœurs disponibles et préparés. La sanctification n'est pas une contrainte, c'est une invitation. Une invitation à nous allier avec Dieu afin que sa puissance se manifeste pleinement. Donc, bien-aimés, si aujourd'hui nous nettoyons l'autel de nos cœurs, demain Dieu accomplira des prodiges sous nos yeux. Préparons-nous, bien-aimés, car Dieu n'a pas fini d'agir. Donc, l'application de ce message pour 2000, l'application pratique, je dirais, de ce message pour 2025, suive Dieu. Prends du temps chaque matin pour dire, Seigneur, conduis ma journée. Cherche la volonté de Dieu avant chaque grande décision. Laisse la parole de Dieu devenir ton guide quotidien. Respecter la distance. Arrêter de vouloir tout contrôler. Ne précipite rien. Laisse Dieu ouvrir les portes à sa manière. À sa manière. Se sanctifier. Fais le tri dans tes habitudes. Pardonne à ceux que tu gardes éloignés de ton cœur. Éloignés de ton cœur, désolé. Nettoie ton esprit, tes pensées, tes motivations. Bien-aimés, les enfants d'Israël n'ont pas traversé le Jourdain par leur force. Ils l'ont traversé parce qu'ils ont laissé Dieu marcher devant eux. Bien-aimés, l'année 2026 pour être, désolé, peut être une source d'incertitude. Mais si tu n'avances, jamais seul, désolé. Tu peux ne pas connaître le chemin, mais tu connais celui qui le connaît et ça fait toute une différence. Tu peux ne pas voir l'avenir, mais tu connais celui qui tient l'avenir. Amen. Ce matin, Dieu nous dit, laisse-moi te guider. Suis-moi, ne me précède pas. Et sanctifie-toi, car demain, je ferai des prodiges dans ta vie. Donc la vraie question, vas-tu laisser Dieu marcher devant toi cette année? Ça, c'est une question de réflexion et je m'arrête ici. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Qu'il vous accorde sa grâce, Amen. Et une fois de plus, une bonne et heureuse année. Alléluia. On va inviter la famille Côté. Toute la famille Côté, on va prier pour vous. On va se